130 livres, chronique du 18 août 2019, entretien avec Mathias Köpping, auteur du Manufacturier. Nous sommes en Gaule en 2019 et une maison d'édition récente de surcroît semble résister à la morosité du marché du livre. Baptisée Ring, elle se concentre sur des thèmes d'actualité à fort relent de scandale, dans une veine volontiers critique de la démocratie libérale moderne que ne renierait pas un Michel Houellebecq sous Captagon. La comparaison n'est pas fortuite, puisque son ancien éditeur Raphaël Sorin en est le directeur littéraire. Bien des essais, fictions et bandes dessinées estampillées Ring, même couronnées de succès, sont régulièrement boycottés en librairie. Certains de ses auteurs se virent déprogrammés ou agressés en festival, et ses locaux parisiens furent vandalisés à deux reprises. Contournant les médias traditionnels, la maison a investi dans une promotion atypique, très présente sur les réseaux sociaux et diffusant des bandes-annonces filmées de ses titres phares. À ceux qui taxent Ring d'être néo-réac, son fondateur rétorque qu'il édite Zineb El Razoui, Jimmy Page et Julian Assange aussi bien que Marceau et Laurent Oberton, et se borne à rendre compte de la réalité brutale d'une société en extrême mutation. Admettons. Et le roman dans tout ça? Ring s'est fait une spécialité de dénicher les pépites du thriller français contemporain, bien en ligne avec sa politique éditoriale d'ensemble. Si la série Noir et Rivage domine l'équivalent de la scène rock traditionnelle, eux veulent être la référence du métal extrême. Parmi les nouvelles coqueluches des blogs spécialisés francophones, l'ancien militaire et polytoxicomane Ghislain Gilberti, ou le havrais Mathias Köpping, remarqué en 2016 pour son premier opus Les Démoniaques, une plongée dans le monde riant de la prostitution des mineurs, réservée à un public averti. Il récidiva l'an dernier avec Le Manufacturier, dédié à l'importation dans l'Hexagone des conflits d'ex-Yougoslavie, qui requiert de son lectorat un estomac tout aussi blindé. Oui, vraiment. Mais jamais l'audace et la crudité ne furent les gages d'une littérature de qualité, et j'abordais ce beau pavé de 547 pages servies saignant avec moins de crainte que de circonspection. Qu'ils y viennent. Extrait. Les égouts de l'histoire débordaient. S'en échappaient des tueurs que nul scénariste de film d'horreur n'aurait jamais osé concevoir. Comme ceux qui l'inspiraient, le manufacturier se livrait aux pires atrocités. Torquemada s'était penché sur le berceau de ce type. Il osait tout, avec le matérialisme bien terrestre des tortionnaires de haut vol. Janvier 2017. Prédateur impitoyable réputé pour ses manières de sociopathe, le capitaine Vladimir Rabich, alias Zéro, dirige la brigade criminelle du SRPJ du Havre. Ce solitaire honni et craint par ses pairs s'intéresse de près au meurtre d'un petit vendeur du clan Khaled Zawi, l'un des deux gros dealers de la ville. À quelques encablures de l'hôtel de ville, le souteneur Goïko dirige ses gagneuses à la schlag. Les revenus des passes sont versés à la cause de la Grande Serbie. En Lozère, Milovan Horvat se décide enfin à témoigner pour que soit retrouvé Dragoljub, chef des Soudars qui exterminèrent sa famille croate et le laissèrent pour mort un jour de novembre 1991. Il contacte à Belgrade l'avocate Irena Ilic, connue pour ses succès dans la traque d'anciens criminels de guerre. Dans les entrailles du dark web, les plus pervers des initiés attendent fébrilement de payer en bitcoins le prochain snuff movie de celui qu'on appelle le manufacturier. Les restes de son chef-d'œuvre sont retrouvés dans une banlieue du Havre. Et le buffet froid qui s'ensuit prend des proportions dantesques. Extrait. Voilà, bien. Tu as compris l'essentiel. On n'a pas besoin de vrais motifs pour massacrer des gens. Des prétextes suffisent amplement. Et au fil du temps, tu n'as même plus besoin de prétextes. Le plaisir prend le relais. Je confirme que Mathias Köpping ne retient guère ses coups, mais l'attrait principal du manufacturier reste son tempo frénétique, ainsi que l'intelligence de sa construction. Stylistiquement comme sur le fond, les similitudes avec un DOA, auteur des remarqués Pouctou et Likaya, sont légion. Pas de mauvaise graisse dans la syntaxe, une phrase nerveuse et efficace, la précision en prime, des dialogues qui sonnent justes jusqu'à pousser loin l'usage de l'argot et des accents, des tableaux très visuels et une mise en scène quasi cinématographique, une documentation ultra complète sur les lieux visités, le trafic de drogue, les guerres des Balkans et les procédures ou l'organisation des services de police au niveau local et national. Voilà pour ce qui devrait faire consensus parmi les amateurs du genre. Et puis, il y a le reste. Quel que soit leur camp et leur complexité, les personnages du manufacturier sont rarement aimables. La fascination qu'ils exercent immanquablement ne satisfera pas le lecteur en demande d'empathie. Le raffinement avec lequel l'auteur pousse à leur paroxysme les descriptions d'actes de violence physique, sexuelle ou psychologique, mais aussi les effets dévastateurs de la vieillesse, la maladie ou la consommation de drogue, est presque inédit, parfois à la limite de la complaisance pure et simple. Extrait. Une fois de plus, même les nazis trouvaient ça insane. Ça vous indique le degré de folie de ces hommes. Se pose alors la question de l'intention. On peut hasarder l'hypothèse que, comme souvent chez Ring, l'auteur s'emploie à nous alerter sur le réel et les angles morts des médias et de la littérature traditionnelle, et que tous les moyens soient bons. Les très rares moments de répit sont vécus comme d'authentiques bizarreries. Extrait. Elle logeait en pension complète, un établissement moderne et agréable, excentré et au calme, à 1 kilomètre à peine de l'hôpital de Knin. Vous n'imaginez pas le rare soulagement que cette bête phrase me procura, instant de réconfort perdu dans un océan de noirceur. J'ai vécu en bonne partie la lecture du Manufacturier, comme je lisais, gamin et frissonnant, les ouvrages présentés par Gérard de Villiers, empruntés en loose dé à mon papa. Cette comparaison-là n'est pas péjorative en soi. On sait depuis longtemps que de belles plumes, Philippe Muret en tête, écrivirent sous pseudonyme certains tomes de SAS ou Brigade Mondaine. Il s'agit plutôt d'une impression d'ensemble. Violence réaliste et sans concession, souvent cruelle, dépaysement, oui, c'est aussi le cas pour Le Havre, passage à la limite du placement de produits de luxe, ici un déjeuner au restaurant du Georges V, description poussée du goût douteux des truands, et relégation quasi systématique des personnages féminins au rang d'objets au mieux malmenés, parfois métaphoriquement comme ces barres rocheuses qui s'ouvrent comme les jambes ouvertes d'une immense femme de granit. Extrait. Il n'y a que les moutons qui marchent dans les clous, l'Artignan. Et même si c'est l'immense majorité, ça reste quand même des moutons. La justice et la loi sont les palissades qui les maintiennent dans l'enclos. Peur des voyous, peur des flics, peur des radars, peur des impôts, peur des mots plus hauts que les autres. Les mecs comme nous sont là pour vérifier l'état des barrières et maintenir le grand troupeau à l'intérieur. Alors façon, les salopards en font autant. Ils les maintiennent parqués dans leur effroi et les tondent. Être un fumier est juste une question de volonté et de point de vue. Pousse à bout toutes ses victimes, exploite-les, viole leurs femelles, bat-les, vole-les. Réagissent-ils ? Non, ils se soumettent. On nomme ça bonne éducation, respect de la loi et autres conneries. Moi, j'appelle ça lâcheté. Et nous sommes les gardiens de ces multitudes ébahies. Voilà pour la loi et la justice. J'ai peut-être plus de respect pour les criminels, finalement. Plutôt qu'à l'avant-garde d'un thriller moderne, Le Manufacturier appartiendrait ainsi au haut de gamme d'une littérature noire à l'ancienne remise au goût du jour, gonflée de testostérone, mais dont il faut préciser ici qu'elle séduit quantité de lectrices chevronnées de la blogosphère. Son message politique s'avère assez clair et tout aussi inducteur de chocottes que son histoire elle-même. Il s'exprime clairement au travers du personnage du Turc. Extrait. Société de l'âge dégénéré, terrifiée par les maux qu'elle aurait dû combattre par les armes, amenée fort logiquement à disparaître à courte échéance. En Turquie, Mehmet n'aurait pas fait 1/100 des conneries qu'on lui reprochait ici, en s'excusant presque. Il aurait été tabassé à mort dans une ruelle sombre d'Istanbul par des flics brutaux. Comme de celui de l'Artignan, chef des stupes du Havre. Extrait. Il n'y avait jamais eu autant de cam produites et consommées dans le monde. Voire de la critique de la loi Vallaud-Belkacem, accusée d'aggraver les effets néfastes de la prostitution plutôt que les résoudre. Extrait. Le marchandage des corps s'était aggravé. Il était devenu plus pernicieux et plus violent. De la fascination croissante du public pour la surenchère de contenus obscènes. Extrait. L'espèce humaine admirait ses convulsions en direct, partout et tout le temps, filmant sa fin prochaine sans rien tenter pour l'empêcher. Du danger que représente la survivance ou le retour du sentiment religieux exacerbé. Extrait. Un vrai Dieu appelle toujours au massacre. Il est exclusif, jaloux, intolérant, violent. Les guerres de religion ne se sont jamais arrêtées. Ou de l'Union européenne, dont la porosité libérale et le cynisme matérialiste offrent de fabuleuses perspectives aux loups programmés pour dévorer les agneaux. Extrait. L'UE était une putain vérolée, aux cuisses largement ouvertes, offerte à la pine conquérante des criminels internationaux et qu'il suffisait de besogner à sa guise. Une société incapable de contempler et reconnaître sa part d'animalité est en péril, livrée à ceux qui n'hésiteront jamais à en tirer profit. Et ce ne sont pas nos politiques et fonctionnaires, récompensés dès lors qu'ils balayent sous le tapis la moindre éruption d'un réel effrayant, qui pourraient nous sauver la mise. Tel est le propos infiniment sombre du Manufacturier. Il importait, après cette expérience captivante mais perturbante entre toutes, très en ligne avec la supposée ligne éditoriale de Ring, de recueillir le point de vue de son architecte Mathias Koepping. Merci à lui donc de s'être livré à l'exercice de façon bien plus joviale et volubile que sa prose le laissait imaginer. Sa gentillesse et son approche très artisanale de l'écriture rappellent beaucoup celle d'un Stephen King.